Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival de la Gourgane à la population d'Albanel et félicite les organisateurs. On va parler avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, ce matin, j'ai fait le podcast très tôt, c'est pour ça que je t'ai pas invité. D'habitude, quand j'ai un gros nom, je t'invite. Mais j'ai parlé à l'ex-président des Alouettes, Larry Smith. Je me disais, on ne l'a pas entendu nulle part, puis j'ai eu le flash de l'appeler ce matin. Puis honnêtement, pour une des... tu sais, Larry est toujours très sympathique, est toujours politiquement correct, puis il était bien placé. C'est tout à fait normal, faut le comprendre. Là, c'est l'ancien président des Alouettes. C'est probablement un de ceux qui a relancé avec YouTube, avec les Whitehall et ainsi de suite, le football canadien à Montréal. Ça y fait mal de voir ce que les Alouettes sont rendus. Puis ce matin, pour une des rares fois, c'est de valeur que je ne suis pas un gros média, parce que probablement en mois de juillet, c'est tranquille, puis probablement que ça fait la manchette. Sans critiquer ouvertement, mettons qu'il n'a pas ménagé Kavis Reid, puis il n'a pas ménagé les coordonnateurs à la défensive et à l'attaque. Et dans le cas de Kavis Reid, il a dit il faut regarder celui qui recrute le talent, il y a probablement un problème de ce côté-là. Et coordonnateur à la défensive et à l'attaque, il a dit comme tel, il a dit, c'est pas fort. C'est que t'en penses? Ouais, je peux pas être en désaccord avec Larry Smith. Kavis Reid, on en parle depuis longtemps, on se répète, Dan, on le dit. C'est quel nom que Kavis Reid nous a amené par lui-même là, des camps NFL ou des mini-camps? Il y en a pas. Il est allé chercher des noms. Bon, tu sais, Johnny Manziel, c'est un gros nom. C'est un échange. Il a payé très cher. Le marché des joueurs autonomes. Il l'a payé. Oui, on l'a payé cher. Mais tu sais, moi, je te parle de jeunes joueurs qui n'ont pas réussi à faire la NFL, qui vont venir faire carrière dans la CFL, qui sont, tu sais, des Big Hill, des Sherritt, tu sais, des joueurs que personne... on n'en a pas. C'est clair, on n'en a pas. Ce qui était la force de Jim Pop. Ce qui était la force de Jim Pop dans les années que ça y tentait. Quand ça allait bien, oui, exactement. Ce qui est la force des Stampeders. Ouais. Ce qui est la force des Eskimos. Ce qui est la force de Winnipeg. Écoute, puis là, deuxième partie, tu me parles des coordonnateurs. Effectivement, les coordonnateurs, c'est pas fort, mais moi j'ai remarqué. Rich Stubler, c'est un gars qui a quand même un don dans les Canadiens, Rich Stubler. Stubler, c'est un gars qui connaît son foot. Bon, il y a un temps de fête, mais hier, là, c'est pas Stubler qui a manqué les plaqués. Ouais. C'est pas Stubler qui a eu l'air fou comme Mitchell. White avait l'air fou hier, là, puis tu sais, je sais que c'est blessé en fin de match, fait que je vais épargner. Mais les demi-défensifs hier, c'était pathétique. C'était. Tu sais, on joue une défensive, ce qu'on appelle une défense de match coverage. Tu sais, le match, c'est des lectures, et on associe les joueurs à des tracés. Et on laisse souvent les tracés les plus courts pour que tout le monde descende au tracé puis fasse la plaquée. On manque des plaqués. Comme les joueurs, je tout croche. Oui, mais ça revient à quoi? Ça revient. Oui, mais c'est les joueurs, je tout croche. C'est-tu un manque de talent ou c'est un manque de préparation? On n'a pas le talent, puis on se prépare très mal. Ouais. Et offensivement, OK, en début de match, Vernon Adams, il faisait pas si près. À un moment donné, on s'est mis à blitzer du côté d'Edmonton. Il était incapable de voir le tu sais, t'amènes un gars de plus sur le blitz qu'en protection. Ce joueur-là appartient au corps arrière. Le corps arrière doit être en mesure de voir cette blitz-là, puis de repérer son hot read. la lecture rapide, bang, tout de suite, comme Riley a fait lorsque les Alouettes l'ont fait. Il les a tout de suite vus, bing, il les a fait payer ça cher. Ensuite, on a une ligne à l'attaque. Le talent de la ligne à l'attaque est pas si pire, dans le sens, c'est pas fort là, mais c'est bien plus la préparation. Les joueurs ont pas de communication. Ben non, on n'a pas une fois les cinq mêmes joueurs ensemble. C'est triste, c'est très triste tout ça. Puis hier, après la première série, j'aimais ça, on faisait bouger Vernon Adams. En deuxième demi, on l'a pas fait bouger. Ouais. Hein, on n'a pas vu les mêmes jeux qui ont marché. On n'a pas d'originalité. On n'est pas original. Mais ça, c'est la faute des coordonnateurs. Donc, Larry a raison. Complètement. Ça, c'est les coordonnateurs. Mais tu sais, c'est parce que le problème chez les Alouettes, c'est pas juste. On ne peut pas mettre le doigt sur un bobo. Il y en a plusieurs. On est rempli de bobos. Même si tu mets un coordonnateur exceptionnel, on n'a pas de talent. Ouais. Si tu mets du talent, les coordonnateurs ont de la misère à préparer les joueurs. En ce moment, là. Très, très, très difficile. Mais puis même si Johnny Manziel va être là la semaine prochaine, ça change quoi? Tu sais, ça va être spectaculaire. Ça change l'intérêt, là. Ça change l'intérêt, point. Parce que je sais pas si, tu sais, pour s'amuser, ma prédiction de 3 victoires, elle tient encore pas mal la route, là. Elle tient bien la route, là. J'écoute. Moi, ça me prend 5 victoires là pour. puis je vois pas comment je vais aller les chercher là. Non. Et il a parlé. Et là, c'est un petit peu nouveau. Il a dit jamais je vais critiquer Robert Whittenhall. Jamais. Il m'a donné la chance d'être président des Alouettes. Mais il dit à un moment donné, il vient un temps où ce qu'on n'a pas le choix, où ce qu'on a fait notre temps. Puis ça veut tout dire quand il dit ça. Ben, comme personne, n'importe quel métier qu'on fait, à un moment, il faut savoir quand se retirer. Je pense que Bob Whittenhall, lui, sa façon de se retirer, c'était de remettre ça à ses enfants. Sauf que là, il faudrait peut-être qu'il jase à son gars, là, je sais pas, mais... Mais tu sais, Bob Whittenhall, il a pas eu la même réalité... Il y avait Don Matthews aussi. Il y a eu Tracy Ham avant Anthony Calvillo. Mike Pringles, effectivement. Donc, t'avais une offensive solide. Puis, tu sais. Mais c'est ça. Ils sont allés chercher ce talent-là, ce qu'on n'est pas capable de faire. Puis, je voyais Kevin Street, ses lignes de côté hier. Tu sais, puis, moi, la personne. Que je blâmerais pratiquement le moins dans tout ça. C'est Mike Sherman. C'est Mike Sherman. Ouais. Je le vois, tu sais, je trouve qu'il est actif dans sa tentative de garder l'équipe ensemble, de comprendre ce qui se passe. Hey, lui, il était garoché là-dedans, il savait-tu pas dans quoi c'est qu'il s'en allait? Non. Puis, tu sais, alors qu'il est rendu aux États-Unis, fort probablement qu'il aurait été mieux de prendre sa retraite. Faut être passionné, là. Parce que là, on voit pas la lumière au bout du tunnel, puis on la voit vraiment pas, là. Tu sais, Larry a reparlé beaucoup, il a parlé 3 fois dans l'entrevue de la ligne à l'attaque. On est loin des Scott Flory, des Ozuma Okeke, puis des Brian Chou, hein? On est loin de tout ça, puis on est loin de la compréhension, de la protection, de ce qui s'en vient sur vers nous. Tu sais, on voit clairement, là, le carrière n'est pas en mesure de communiquer comme il faut. Ce qu'il voit devant lui, c'est quoi les fronts? Le centre, qui est Christian Matt, a de la difficulté à communiquer avec ses joueurs. Et c'est-tu de la faute de Christian Matt ou c'est la faute du coach de ligne à l'attaque qui n'est pas en mesure de bien coacher ses entraîneurs ou c'est la faute de celui qui change à toutes les semaines les joueurs qu'on met sur le terrain? Quand je te dis qu'il y a beaucoup de bobos, là, il y en a beaucoup. Là. Ouais. Et dans la transaction de Johnny Manziel, Pascal, on en a parlé, mais on l'a payé très cher. On a donné notre meilleur joueur défensif aussi. Hier, ça l'a paru grandement. Ça l'a paru grandement hier. On a donné quelque chose puis on n'avait pas rien comme remplaçant derrière. Puis c'est un joueur canadien. Fait que tu sais, un joueur canadien à cette position-là, c'est quand même rare. C'est comme un demi de coin canadien, ben oui, c'est rare. Ben oui. Mais ça t'en prend un en arrière, c'était pas simple. Ouais, ouais. Donc, c'est pas... monsieur, c'est pas Jojo ce qui s'en vient, puis les prochaines semaines risquent de pas être là. Hey, mais je veux te parler d'une autre équipe qui va mal, qui sont à Winnipeg ce soir, c'est les Argonauts de Toronto. Ouais. Est-ce que, bon, c'est Wilder, je pense qu'il va être encore ce soir du côté des Argonauts. Est-ce qu'il faut paniquer à Toronto? Tu sais, on dit souvent que les Canadiennes, c'est le début de la saison commence à la fin du travail. Puis les Argonauts ont gagné la Coupe Grey l'année passée avec, il y avait même pas 500, je pense. Est-ce que donc, puis là, ben, Jim Popp, sa force, c'est des contacts compatibles avec Vince Reed. Ouais, compatibles avec Vince Reed. Est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter ou ça va se replacer? Ben, tu sais, je veux dire, faut toujours s'inquiéter un peu parce que si on s'inquiète pas, ça serait de la nonchalance. Mais avec Mark Trestman. Avec Mark Trestman en place. Il a vu neiger, il est en mesure, puis l'histoire de l'an passé, les Argonauts, fait que il y a personne dans ce locker room-là qui va abandonner l'équipe, compte tenu de ce qu'ils ont pu vivre l'année passée. Tandis qu'à Montréal, tu sais, personne qui y croit. Là. Il y a du monde compétent, c'est tout ça la différence, t'as du monde compétent, hein? Et moi, je l'ai dit à Larry ce matin, j'ai dit, tant qu'il y a certain que ce ne sont pas des intérêts québécois qui vont reprendre ça, je vois pas comment que ce club-là pourrait remonter. Ah ben, moi aussi, je pense que ça passe par ça. Ouais, effectivement. Pascal, on s'en reparle la semaine prochaine. Oui. Yes, on s'en reparle la semaine prochaine, puis... On va peut-être avoir Patrick Lavoie la semaine prochaine, je te dis tout de suite, là, je ne l'ai pas parlé en dehors des ondes. On devait le faire aujourd'hui, mais on m'a mentionné que ça va se faire la semaine prochaine, donc Patrick Lavoie, c'est un gars qui est quand même volubile. Pascal, je vais t'inviter à venir faire l'entrevue avec moi. Fantastique, je connais très bien Pat. OK, donc voilà, Denis Pascal Masson.